Le takfir dans la sunna et la sira. Et le takfir de ceux qui adorent un autre qu'Allah est une notion que connaissaient les musulmans avant même que le prophète Mohammed ne soit envoyé, comme ce fut le cas de Zayd ibn Amr, rahimahullah. Ibn Hajar al-Asqalani nous en mentionne le récit. فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر ابن ربيعة حليف بني عدي ابن كعب قال Je me suis opposé à mon peuple et j'ai suivi la religion d'Ibrahim et d'Ismaël et celui qu'ils adoraient. Et ils se dirigeaient vers cette qibla pour prier. J'attends que vienne le prophète des fils d'Ismaël. Je ne me vois pas le rencontrer, mais je crois en lui et je lui donne foi et je témoigne qu'il est un prophète. Et si ta vie dure jusque-là, transmets-lui donc mon salut de ma part. Puis Amir dit, et lorsque je me convertis, j'en informa le prophète et lui appris ce qu'il m'avait dit. Alors le prophète répondit à son salut et invoqua la miséricorde pour lui, puis il dit, je l'ai certes vu au paradis. Puis il rapporte, Saïd ibn Zayd dit, nous avons demandé, moi et Omar, au messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, au sujet de Zayd. Il dit alors, qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, car il est certes mort sur la religion d'Ibrahim. L'imam al-Bukhari rapporte dans son recueil de hadiths authentiques, d'après Asma, fille d'Abu Bakr, radiyallahu anhum. Elle dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl, debout dos à la Kaaba, dire, ô habitants de Quraysh, par Allah, nul d'entre vous n'est sur la religion d'Ibrahim à part moi. Ce hadith nous prouve donc bien que Zayd ibn Amr pratiquait le tekfir du peuple de Quraysh et ne les considérait pas comme appartenant à la religion d'Ibrahim, et que le prophète considéra que ceci était la religion d'Ibrahim. Que la paix soit sur lui. Ibn Kathir dit, Yunus a dit d'après Ibn Ishaq, certes Abu Bakr rencontra le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, et lui dit, est-ce vrai ce que disent Quraysh à ton sujet, ô Mohammed, que tu délaisses nos dieux, que tu trouves nos esprits stupides, et que tu traites nos ancêtres de mécréants? Alors le messager d'Allah lui dit, oui c'est vrai, je suis le messager d'Allah et son prophète, il m'a envoyé afin que je transmette son message et que j'appelle à la religion d'Allah en vérité. Par Allah, ce n'est que la vérité. Je t'appelle, ô Abu Bakr, à adorer Allah uniquement sans aucun associé et que tu n'adores nul autre que lui et que tu fasses allégeance à lui obéir. Puis il récita le Coran et Abu Bakr écouta sans rien rejeter. Il se soumit alors et mécrut en toutes les idoles et se détacha des faux dieux et accepta la vérité de l'islam. Abou Bakr s'en retourna alors, croyant et admettant la vérité. Regarde et constate, Abou Bakr fut le premier homme à se convertir à l'islam. Et pourtant le prophète était déjà célèbre pour faire le takfir de son peuple avant même qu'Abou Bakr ne se convertisse. Mohammed ibn Abdel Wahhab mentionna, ce qui arriva à l'époque des compagnons aussi, c'est l'histoire de Mukhtar ibn Abi Ubaid ibn At-Taqafi, qui était un homme parmi les disciples des compagnons liés par le mariage, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, et son père. Et c'était un homme manifestant une certaine piété. Il apparut en Irak et réclama le sang de l'assassin d'Al-Hussein et de sa famille. Ibn Zayd fut tué. Et donc des victimes d'Ibn Zayd le rejoignirent, car il réclamait le sang de l'assassin d'Al-Hussein. Il domina l'Irak et il manifesta les lois de l'islam et établit des juges religieux. Des imams parmi les disciples d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et c'était lui qui présidait les prières du vendredi et la prière en commun. Mais à la fin, il finit par prétendre recevoir la révélation. Alors Abdullah ibn Zubayr envoya une armée contre lui et fut défait par cette armée et ils le tuèrent. Le chef de cette armée était Mus'ab ibn Zubayr et il y avait sous son autorité la femme dont le père était un compagnon du prophète. Mus'ab l'appela donc à attester de la mécréance de Mukhtar, mais elle refusa. Alors il écrivit à son frère, Abdullah, pour lui demander son avis. Il lui répondit que si elle ne se désavoue pas de lui, il faut l'exécuter. Elle refusa alors, Mus'ab l'exécuta, et absolument tous les savants furent unanimes sur la mécréance de Mukhtar, malgré qu'il pratiquait les rites islamiques, pour avoir prétendu être prophète. Et si on sait que les compagnons ont tué cette femme, qui est une fille d'un compagnon du prophète, à cause qu'elle a refusé d'attester de la mécréance de Mukhtar. Alors que dire de celui qui ne témoigne pas de la mécréance des Bédouins, tout en avouant l'état dans lequel ils sont arrivés? Que dire alors de celui qui prétend qu'ils sont des gens adeptes de l'islam, et que celui qui les appelle à l'islam est un mécréant? Ô Seigneur, nous t'implorons d'avoir pitié de nous.